seul bon Dieu, une seule parole, une bonne religion, une seule parole. Demandez-nous, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur nous, hein, pour ne pas quitter la division, mettez pieds dans le temps. C'est pour nous vivre, yon agro. C'est pour nous tous gagner une seule parole. Parce que bon Dieu, papa, jamais changé. Acceptez seulement qui est seul, mon Dieu. Si t'as qu'un plaisir, mon Dieu, il y a chaque n'a qu'une religion. Mais puisque c'est un seul, il est là pour nous tous.